Exercice 4, page 148. 6. Suisse. Science. Session. 11. Oser. Oiseau. Asie. 16. Saison. Ciseaux. Assise. Isis. Usès. Oasis. Aisance.